J'porte la bague de ma grand-mère, les péchés de mon grand-père. C'était pas prévu qu'il se transforme en ange aussi vite. J'tire une taf, ça fait comme la ligne 5 dans l'Iris. J'refais le monde dans l'Uber, dans l'Ibis. J'refais le monde partout, depuis le maillot rouge Kipsta, le logo partout. J'ai dit papa, j'vais changer le monde. Y'a dit si tu passes en Belgique, prends une cartouche. Ah ouais? Nickel. Émotion à moitié étalonnée. La concu, c'est des salopes qui veulent pas avoir d'opinion par peur de perdre des abonnés. Ah ouais? Moi, ça m'empêchera pas de m'aimer. Je répète jamais deux fois une promesse, donc je réédite pas le CD. Il reste de l'espoir dans nos rangs, dans ma vie y'avait rien dans le centre. Une fontaine à pièces, jaune un gémeau, une micaline. Un clochard qui se bat contre le vent. Garrot au bec à la pompe à essence totale. Je sers les dents, je réponds même pas mal. Tête blindée comme le premier du mois à la banque postale. Ah bah ouais. Pour la gloire indépendant, on va bien se les faire. Je mets pas ma musique dans les mains d'un vieux blanc qui fait des avances à la secrétaire. Et Dieu merci, je pose plus de CV. Répète jamais deux fois une bêtise, donc réédite pas le CD. Les larmes dans les yeux, je lui dis que c'est le pollen. Le rouge sous les joues, elle me dit que c'est le soleil. Ah ouais? Nickel. La boule dans ton ventre, elle fait des problèmes. Grandis dans l'homophobie parce que c'est bizarre si c'est pas comme toi. Mais mon frérot, c'est pas comme ça. Tu parles comme tous ceux que t'insultes en levant le doigt, fils de pute. Je te raconte les gens de ma rue. Le rouge dans les yeux, marron. Les ronds-points qui tournent pas rond. Le papy du parc qui a mis Marine et son gamin qui est tout palo. Votre nouveau city, ça excuse pas vos bavures. Même les enfants, ils sont paro. Une lame dans le pantalon à l'heure de la bataille. Je voudrais aimer la police si c'était possible. Bah oui, mais y'a un peu raciste, Patrick. Quand on était petit, on s'en foutait des monstres, on esquivait les flics. La nuit, elle est pas jolie, la vie. Je rêve d'un monde où mon rêve diplômé fait pas l'accueil à la poste. Où ma petite sœur, elle prend le métro sans avoir peur qu'on l'accoste. Je suis de la France du milieu qui met la clé de la Clio sur le tapis du blackjack. Nos darons, ils méritent une bonne bougna. Nos darons, elles méritent une grasse mat. Squat 20 minutes au feu rouge comme si j'attends le carjacking. Discussion en warning en plein milieu de la rue comme s'il y avait pas de parking. Je suis moins bien en vodka, la lime. Et ça t'étonne, ma petite gueule, si on a du feu dans la bouche. C'est pas la Ligue 1, McDonald's, y'a pas d'agression. Sur la touche, la tête et le curseur dans le rouge. Et en fait ma pochette elle te dérange. Pose-toi des questions pour le coup avant de te cracher.